Moro Sangar, la Ferrade. Il faisait un radieux soleil de mai. Les taureaux et la manade entière, vaches, anoubles et veaux, poussés par quelques cavaliers campés dans leurs hautes selles, sur les petits chevaux hirsutes, aux longues queues traînantes, s'en allaient doucement, mais sans s'arrêter, au pied de la grande digue qui longe le Rhône. Note. Anouble. Bouvillon qui n'a pas terminé sa première année. Se dit également d'un jeune cheval dans sa première année, correspond assez exactement au terme « yearling ». Fin de note. Note. Haute selle. La selle employée par les gardiens de Camargue comporte un haut pommeau et un trousse-quin emboîtant exactement le corps du cavalier. C'est en quelque sorte la selle à piquer des cavaliers bardés de fer du Moyen-Âge. Cette disposition, pour donner une plus grande assiette au cavalier et lui permettre de faire absolument corps avec son cheval lorsque, le cas échéant, il a à fournir un effort avec son trident, recevoir le choc d'un taureau ou à l'attaquer. Les étriers qui complètent cette selle emboîtent tout le pied et sont fermés par devant. Ils sont en forme de sabots, en fer forgé et ajourés, afin que, si l'homme fait une chute avec son cheval, son pied puisse se dégager facilement ou que, dans une bousculade, le pied ne soit pas écrasé ni froissé entre le flanc du cheval et les bêtes voisines. Fin de note. Les gardiens ne semblaient pas pressés. Ils se tenaient à une certaine distance des bœufs, se bornant à faire quelques crochets vers les retardataires ou à tendre le manche de leur trident vers eux si l'approche du poney blanc ne suffisait pas pour décider les paresseux à avancer. Note. Trident. L'arme des gardiens. Un fer en demi-lune avec une troisième pointe médiane, emmanché à une tige de frêne ou de châtaignier de 2,50 m à 3 m de long. Il se tient à deux mains et n'est jamais manœuvré comme la pique espagnole qui se tient avec la seule main droite et maintenue par le bras droit sous lequel elle est placée. Fin de note. Sur le sommet du Grand Levadon, formant la digue, le Bayle, sur son fameux cheval de Bouvines, le Tranquille, marchait à tout petit pas. Note. Bayle. Le chef, Bayle gardien, chef des gardiens. Bayle berger, chef des bergers, etc. Fin de note. Le Tranquille encensé et Sangar entendaient le cliquetis du mort et le chuite de la longue queue blanche comme elle fouettait l'air dans les mouvements d'impatience du petit cheval nerveux. Un moment, le Bayle s'arrêta, leva son trident en criant quelque chose aux gardiens qui poussaient la manade et qui s'arrêtèrent aussi. Puis il fit pivoter le Tranquille, le frappa de ses lourds étriers de fer et, le corps renversé en arrière, la main gauche levée et tenant les rênes, le fer haut dans le poing droit, il plongea derrière la digue. Les bœufs, que les cavaliers ne poussaient plus devant eux, s'arrêtèrent et se mirent aussitôt à manger. Deux grands taureaux se couchèrent. Le vieux Roga, le Doumtaïr ou bœuf dompteur, aux cornes en lyre, fit quelques pas vers l'un des poneys et resta un instant immobile à le contempler comme s'il réfléchissait profondément. Note. Doumtaïr ou bœuf dompteur, bœuf moins sauvage que les autres et qui a reçu un semblant de dressage. On se sert de lui pour conduire les autres bêtes de la manade qui le suivent volontiers. Fin de note. Un veau profita de l'arrêt pour se mettre à téter sa mère. Les pieds de devant écartés, la queue haute et frétillante, de son petit mufle où le lait dégouttait en larges perles blanches, il fonçait dans les mamelles nourricières. Sangar le regarda curieusement en se rappelant le temps naguère où il était un veau et où il tétait à pleines lèvres en frétillant de la queue, lui aussi. Maintenant il avait des cornes, de jolies petites cornes droites et aiguës, bien courtes encore, certes, mais qui promettait de devenir le plus bel ambroc en croissant de lune qui jamais ait orné la tête d'un taureau. Il regardait amoureusement du coin de l'œil l'ombre portée par le ciel de mai et qui dessinait sur le sol les deux pointes aiguës des armes nouvelles dont il était si fier. Puis Sangar se remit à brouter parmi les anganes et les saladelles de bonnes herbes tendres qui croissaient au sol de vases grasses. Il entendit un galop cadencé, suivi de deux foulées plus rapides, et comme il levait la tête, il vit le tranquille apparaître avec son cavalier au sommet de la digue, où il s'arrêta brusquement en ronflant. Le beyle leva son trident et cria un ordre. Les gardiens poussèrent leurs chevaux et au grand trot se mirent à tourner autour du troupeau qu'ils eurent bientôt rassemblé en une masse compacte. Ils le remirent en mouvement, pressant l'allure jusqu'à lui faire prendre le petit galop. Tout à coup, les cavaliers qui étaient à droite, du côté opposé à la digue, allongèrent leur foulée, dépassèrent la manade et brusquement, pour couper le chemin à la Bouvine, tournèrent à angle droit et rejetèrent les bêtes sur le grand levadon. Lancée au galop comme elle l'était, la manade ne put s'arrêter et d'un seul bloc, tous, taureaux, bœufs, vaches, anoubles et veaux, pêle-mêle, escaladèrent le monticule qui était devant eux. Dans un grouillement de masses brunes et de longues cornes, dans un fracas de meuglements et de mugissements, le troupeau, en quelques coups de rein, parvint au sommet de la digue. « Qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là ? » demanda Sangar, la nouble, comme la manade des vallées du grand levadon. Sur la plaine, à 500 mètres devant les taureaux, à l'autre extrémité d'un terrain dénudé, au bout duquel s'arrêta brusquement le troupeau, une longue file de charrettes, dételées, était rangée. Sur les charrettes, tout autour, une foule d'hommes, de femmes s'agitaient, criaient, chantaient sous le soleil de mai. Sangar apercevait les taches de couleur vive des ombrelles et des tabliers de fête et les pantalons blancs des hommes en tailloles rouges ou bleues qui se pressaient nombreux autour des véhicules. Note, tailloles, longue pièce d'étoffe de laine dont les provençaux se saignent les reins et qui leur sert de ceinture. Fin de note. Quand le troupeau apparut, une exclamation retentit, là-bas, sur les charrettes. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » mugit à nouveau Sangar, impatienté, en bousculant une vache qui se serrait contre lui. « Qu'est-ce qu'ils ont donc à crier et à gesticuler ? Par mes cornes, on dirait qu'ils n'ont jamais vu de manade. Toi, ma vieille, ce n'est pas une raison, parce que je suis énervée, pour me marcher sur les sabots. Attrape ce coup de corne pour ta peine. » Sangar, ses petites cornes pointées bas, fonçaient sur la vache quand une douleur vive aux naseaux le fit s'arrêter net. Un trident, l'un de ces rues de fer du Kélar, aux pointes recourbées et aiguës, si solidement emmanché de bons châtaigniers, un fichéroun venait de le moucher rudement. Note. Kélar. Aujourd'hui, on dit le Kélar, village du Languedoc rhodanien, placé au milieu d'immenses prairies. C'est le centre où se réunissent, pendant la saison chaude, la plupart des manades de taureaux de course. Les meilleurs tridents viennent du Kélar. Fin de note. Deuxième note. Fichéroun, diminutif de fichouir, petite fourche, trident. Fin de note. Troisième note. Moucher un taureau, le frapper sur le nez d'un coup de trident qui le touche au-dessus des naseaux et lui fait baisser brusquement la tête comme s'il éternuait. Fin de note. Cela laissa Sangar tout éberlué. Il n'était pas encore habitué aux brutales morsures des tridents et les pointes cruelles venaient pour la première fois de déchirer sa jeune peau. Il éternua et secoua rageusement les grosses gouttes de sang qui coulaient sur ses lèvres tandis qu'un poney, monté par le beyle qui venait de rappeler la nouble au sentiment du respect des vaches, voltait prestement sur ses membres postérieurs. L'arrière-train, soigneusement ramassée sous lui, l'encolure inclinée à l'appui des lourdes rênes de crin tressé, le petit cheval blanc était prêt à s'élancer à la moindre pression des jambes de son cavalier sur un gros taureau indolent qui semblait penser à autre chose mais qui n'attendait qu'une seconde d'inattention du poney pour le bousculer d'un coup de ses longues cornes aux pointes noires. Le gardien, tout en surveillant la grande brute du coin de l'œil, appuya le manche de son fer sur l'épaule de Sangar et le poussa légèrement. La nouble qui reniflait le sang, dégouttant de son mufle, grogna et résista à la pression en baissant son front bombé d'un air menaçant. L'homme en manche de chemise cria quelque chose aux autres cavaliers qui se mirent à rire et laissa le bouvillon en paix. Les gardiens, mugit Sangar en secouant son pauvre mufle qui s'empourprait. Les gardiens au milieu de la manade a tarabusté la pauvre bouvine. On ne peut plus se battre en paix à présent. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il a à me montrer ainsi aux autres le pelot? Qu'est-ce qu'il me veut? Les voilà qui viennent sur moi à présent. Ils m'agacent à la fin. Oh, ils m'agacent! Sangar, levant la queue, partit au galop parmi les bêtes, donnant de grands coups de tête devant lui pour se faire livrer passage, bousculant ceux qui ne voulaient pas se ranger assez vite, faisant prudemment un détour, lorsque le récalcitrant était un vieux taureau revêche à la formidable armure. Deux gardiens, poussant leurs chevaux blancs et hirsutes, pénétrèrent à sa poursuite dans la manade effarée. Sangar connaissait bien l'un des deux poneys, Kalindahou, qui venait de la manade d'Yonée, aux plaines de Faraman. Note: Faraman, vaste pâturage situé sur la côte au sud-ouest de la Camargue, presque à l'embouchure du Grand Rhône, et réputé pour les chevaux qu'il nourrissent. Fin de note. Kalindahou, bien encapuchonné sous son caveçon aux longues rênes de crin blanc et noir, marchant à tout petits pas rapides, bousculait aussi les taureaux pour qu'ils lui livrassent passage. Et Sangar, en fuyant, voyait la noire mer des échines s'ouvrir rapidement devant la poitrine blanche du vaillant petit Camargue, comme la mer sous l'étrave à col de cygne des tartanes. Il entendait les lourds étriers du gardien sonner contre les cornes qu'il heurtait pendant que l'homme écartait les taureaux alternativement du fer ou du manche de son trident posé en travers sur la saignée de son bras droit replié. Sangar interrogea Kalindahou, voulant savoir de quoi il retournait. Le cheval se borna à en cesser un peu plus vite et à faire claquer sa lèvre supérieure d'un air goguenard qui était insupportable à Sangar. Il n'en demeurait pas moins attaché au pas de la nouble qui s'enfuit, affolée. Alors commença, entre le bouvillon et les poneys velus, une véritable partie d'as coupé. Sangar fuyait en zigzag. Il essayait de se dissimuler parmi un groupe de grands taureaux noirs aux hautes échines qui ne le laissaient pénétrer au milieu d'eux qu'en renaclant sourdement et qui finissaient par le déloger à coups de corne lorsque les chevaux se rapprochaient à sa poursuite. Il cherchait à se perdre dans une masse grouillante de vaches et de veaux qui s'amoncelaient stupidement les uns contre les autres et se servaient de toute leur force en roulant des yeux terrifiés. Il plongeait au sein d'une bousculade où des anoubles et un poulain égaré dans la manade cherchaient en vain à fuir à travers l'énorme masse de trois bœufs dompteurs placidement mais énergiquement à côté les uns contre les autres et rêvant parmi tout ce brouhaha à des choses lointaines et calmes que suivaient dans l'espace leurs grands yeux songeurs et doux. Ils rusaient pour dépister les chevaux par ces voltes, ces feintes, ces soudaines disparitions au milieu de la masse mouvante des autres bêtes, mais toujours les poneys hirsutes, blancs et velus comme des ours du Nord, suivant chacun de ces mouvements d'un air gouailleur, les oreilles pointées sur lui, le retrouvaient, le pousser, le bousculer, cherchant à le faire sortir du troupeau. « Oh, regarde » demanda-t-il au Simbeu, comme il cherchait à se dissimuler derrière l'énorme masse brune du bœuf dompteur qui est toujours calme, sage et très savant, et qui porte au cou une petite clochette de cuivre battue, suspendue à une mince courroie de cuir brut. « Oh, regarde, mon vieux, qu'est-ce qu'ils ont donc après moi? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ?» Note, Simbeu, bœuf ou taureau conducteur. Fin de note. « C'est la ferrade, petit, la ferrade. Les gardiens te trient pour te séparer du troupeau et te mener là-bas. Mais ne quitte pas la manade si tu veux un conseil. Maintenant, file, ou c'est moi qui vais recevoir les coups de trident. » Note. Ferrade. L'action de marquer les jeunes bêtes d'un troupeau avec un fer rouge aux initiales et aux armes du propriétaire appliquées sur la cuisse. Le signe, ainsi imprimé, à chaud, prend le nom de marque et par extension, on appelle marque en Camargue tout ce qui fait partie d'une manade, bêtes, matériels et gens, et même les amis du propriétaire qui sont partisans de sa marque et la soutiennent dans tous les cas avec la plus grande fidélité, mais avec la plus insigne mauvaise foi envers les autres marques. Fin de note. Sangar fuyait, terrifié par ce mot de ferrade, qu'il avait si souvent entendu prononcer par les autres bêtes avec effroi. « Il m'agace » grognait-il en se frayant un chemin à coups de corne, tandis que les deux poneys blancs le talonnaient toujours. « Il m'agace. Si je me fâche, nous allons voir ça. Hé, Boukabeu, veux-tu me laisser passer ? Non, attrape ça. Voilà le bail qui m'est dessus à présent. Oh, par mes cornes qui pointent, ce qu'il m'agace. Tant pis pour le tranquille, je le charge. » Faisant une brusque volte-face, Sangar baissa le front et fonça droit sur le cheval du Bail, le fameux tranquille, qui venait de la manade de Mourgues, là-bas, près d'Aigues-Mortes, derrière les pinèdes du Clamador. Note, Boukabeu, belle bouche, nom de taureau donné à ceux qui ont la bouche et le mufle entourés de blanc, qui boivent dans leur blanc. Fin de note. Les petites cornes bien pointées, le front un peu incliné, pour avoir une corne se présentant tout à fait de la pointe et rendre sa blessure plus dangereuse, la queue haute et retombant du bout, comme il l'avait vu faire aux grands taureaux dans leur plus rude charge, Sangar visa soigneusement le ventre du Camargue, son beau petit ventre blanc, à un pan en arrière des grosses sangles de cuir tanné. Tranquille ne fit pas un mouvement devant la menace des cornes. Et cependant, je vous assure que la noble Sangar devait bien, à ce moment-là, ne pas sembler disposée à plaisanter. Et la corne pointée était dure et aiguë comme la pointe d'un trident. Le brave poney savait qu'il ne faut en aucun cas qu'un cheval de Bouvines se soucie de quoi que ce soit tant qu'il a son maître sur le dos. Son affaire à lui n'est pas de s'occuper du taureau qui le charge, mais de se tenir bien rassemblé, attentif au moindre mouvement du cavalier qui le chevauche, prêt à obéir sur le champ à la moindre indication des jambes ou des rênes. Le bel se pencha légèrement sur sa haute selle en arrêtant sa monture et des deux mains appuyant le fer de son trident au chanfrein de Sangar, il immobilisa les petites cornes au moment où elle frôlait le poil crépu du poney. La noble furieux banda son échine et s'arc-boutant sur les jarrets, chercha à repousser le fer qui lui entrait dans l'os. Mais les dures pointes pénétraient sa chair et son effort ne faisait que rendre leur morsure plus cruelle. Soudain, le tranquille, enlevé, se cabra et pivotant sur son arrière-train, parti de pied ferme au petit galop, retenu par le bail qui riait de la mine ahurie et déconfite de Sangar. Celui-ci éternua farouchement en faisant voler des gouttes de sang autour de lui. Il secoua la tête, étonné et furieux, et plissant la peau de son mufle, regarda s'éloigner son ennemi. Une douleur lancinante, à son chanfrein, ensanglanté, le rendit fou de rage. Il bondit et fonça, tête baissée, à la poursuite du tranquille qui s'éloignait doucement, comme s'il voulait le narguer. Tout à la soif de sa vengeance, Sangar partit comme un trait, ses petites cornes pointées juste à la hauteur du poitrail, oubliant dans sa fureur l'avis si prudent du sage Roga. « Ne quitte pas le troupeau !» Aveuglé par sa colère, il abandonna inconsidérément l'abri que lui offrait la masse grouillante de la manade. Quand il se le rappela, il était trop tard. Le tranquille fuyait toujours devant lui, vers les charrettes. Retourné dans sa lourde et haute selle brune, aux clous de cuivre, le bel regardait la nouble en riant. Il laissait traîner sur le sol, au bout de son bras étendu, le manche de son trident qui sautait sur les touffes d'angane. À 20 pas derrière Sangar, 4 chevaux galopaient aussi, qui le séparaient de la manade. Sur ses poneys, il y avait des gardiens en bras de chemise avec leurs grands chapeaux et leurs pantalons de peau de taupe et les saquetounes d'indiennes rouges à l'arçon de leurs selles. Ils brandissaient leurs tridents en riant et dardaient vers la double des fers aigus. Note, peau de taupe, tissu brun très épais et très résistant, dans lequel sont taillés les pantalons des gardiens qui, au contraire de ce qu'on se représente généralement sur les scènes de théâtre et sur les écrans, portent toujours des pantalons longs, très amples et légèrement évasés par le bas et jamais, au grand jamais, de guêtres de cuir. La raison bien simple est que leur travail les obligeant souvent à pénétrer dans l'eau, les guêtres de cuir, une fois mouillées, les gêneraient, tandis que la peau de taupe se mouille et se sèche sans inconvénient. Fin de note. Note. Saquetoun, petit sac pendu à l'arçon de la selle et qui sert aux gardiens à emporter leur repas et celui de leur cheval. Fin de note. Les chevaux, éperonnés, allongèrent l'allure et les cavaliers se rapprochèrent de lui. Ils l'entourèrent, réglant leur galop sur le sien. D'autres gardiens les rejoignirent, qui formèrent avec eux une demi-lune au centre de laquelle était le pauvre petit Sangar lancé à fond de train. Les chevaux qui encensaient, en secouant leur longue crinière blanche, le bousculaient de leur poitrail. Ils le pressaient, l'obligeant à courir droit sur les charrettes vers lesquelles ils le poussaient. De ce côté-là, au bout de la plaine, sur les tribunes improvisées, constitués par les véhicules et tout alentour, les gens qui l'avaient vu du haut du levadon criaient et gesticulaient avec de grands rires bruyants et des acclamations. Un peu à l'écart, une colonne de fumée montait vers le ciel en une lente volute à peine agitée par la brise marine. Elle partait du sol, toute droite, et quelques hommes étaient rassemblés autour d'elle. C'étaient ceux occupés à faire chauffer le fer des marques. Sangar voyait tout cela. Il comprenait maintenant ce qui allait se passer et l'imprudence qu'il avait commise en quittant la manade. Il voulut la rejoindre, revenir sur ses pas, se défendre encore. Dans de brusques voltes, il faisait face aux chevaux et leur distribuait amplement des coups de corne qu'ils évitaient d'un léger écart sans cesser leur poursuite. Parfois, un de ces longs fouets qui terminent les rênes sifflait dans l'air et venait le cingler à la croupe. Parfois, un trident qui meurtrissait à son encolure l'obligeait à reprendre une direction qu'il venait de quitter. L'épaule d'un poney pesait contre la sienne et le rejetait vers les charrettes s'il s'en voulait écarter. Un lourd étrier de fer forgé s'appuyait à son front ou derrière les cornes, et ne le laissait en paix que lorsqu'il avait repris la direction voulue. et tout cela en plein galop, en pleine charge, car les tridents le harcelaient, le forçaient à fuir sans ralentir sa course. Comprenant l'inutilité de sa résistance, il prit son parti. Brusquement, il précipita sa fuite et détala à toute allure vers les charrettes, suivi par les gardiens qui criaient de joie en brandissant leurs fers. Arrivés à un sillon tracé dans le sol, ils s'arrêtèrent tous, net, d'un seul bloc. Les chevaux, les jarrets ployés, semblèrent s'asseoir sur le sol, tandis que les cavaliers dressés sur leurs étriers levaient bien haut leurs tridents et poussaient une acclamation. Note, acclamation, c'est la coutume dans les ferrades. Arrivés au sillon, les cavaliers s'arrêtent en levant les tridents et en poussant une acclamation et abandonnent le taureau qui appartient dès lors au piéton. On appelle cet acte brindé. Fin de note. Sangar, lui, franchit le sillon d'un seul bond et continua sa course folle. Voici que maintenant les hommes couraient à sa rencontre. Mais ceux-ci n'avaient ni chevaux entre les jambes, ni fers aigus à la main. Sangar n'en avait pas peur. Tête baissée, faisant voler la terre sous ses pieds fourchus, soufflant, meuglant, il les chargea. Ils s'égaillèrent devant lui, comme un vol de canards dispersé par un coup de fusil. Ils couraient vers les charrettes en criant des choses que Sangar ne comprit pas. L'un de ses hommes perdit du terrain, tarda un peu. Sangar le rattrapa, le prit au bas des reins et d'un coup de tête l'envoya en l'air. Dans les charrettes, on se mit à applaudir. On criait, le vide se faisait devant lui. Quand il fut près du peuple, il s'arrêta, souffla en grattant la terre et partit au petit trot en suivant une ligne parallèle au public. Les gardiens étaient toujours là-bas, arrêtés derrière ce ridicule petit sillon qu'ils ne pouvaient pas franchir. Sangar se demandait pourquoi. Le peuple à pied lui laissait la place. Sangar, la nouble, voulait s'en retourner dans la Sansouire. Mais un homme vint à lui, tout seul. Il était gros. Il avait un pantalon de toile bise, des espadrilles, une chemise rose avec une cravate rouge et une large tailleule noire. Les manches étaient relevées. Le peuple cria « Mazar ! Le Mazar ! Bravo !» Sangar, étonné, s'arrêta et se mit à regarder cet homme pour voir ce qu'il lui voulait. Parvenu à quelques pas de la nouble immobile, l'homme s'arrêta aussi. Sangar tendit le mufle vers lui, meugla, essouffla en frappant le sol de l'un de ses pieds de derrière pour lui faire peur. L'homme cria « Wow ! Sangar ! Wow ! » et frappa dans ses mains comme pour le défier. Sangar fit un pas vers lui, baissa la tête et se lança en avant pour frapper ce gros homme au ventre. Il ne le put. Quelque chose le paralysait, pesant sur ses cornes. Il eut peur, mais il se raidit comme un brave petit taureau de Camargue qu'il était. Il voulut repousser son adversaire et s'arc-bouta de toute sa force sur ses quatre membres raidis. Ce fut en vain. Il sentit qu'une main humaine l'avait empoigné à chacune de ses cornes. Sa tête tordue par l'homme tournait lentement en lui occasionnant une douleur intense au garrot et au cou. Dans l'effort qu'il faisait, le sang recommença à perler sur son mufle déchiré par le coup du trident du bail. Il essaya encore de secouer sauvagement l'étreinte. Il ne put que mugir sourdement. Alors, il ne lutta plus, renonçant à la réaction brutale, se contentant de résister farouchement de toute la force de sa volonté et de toute celle de son jeune corps. Sa tête tournait toujours. Il tomba sur les genoux, d'abord, la langue sortie. Puis il s'affala de tout son long sur le sol où son vainqueur le maintint en pesant du pied sur la tête au milieu des bravos de la foule. Sangar vaincu, résigné, attendait maintenant la fin de sa torture. Des hommes s'approchèrent de lui, se penchèrent. Il entrevit un éclat d'acier et ressentit une douleur très vive aux oreilles. Elle le fit meugler plaintivement. Du sang chaud lui coula sur le cou. Une brûlure à la cuisse le mit debout d'un bond, arraché à l'étreinte des hommes qui s'écartèrent vivement. Dressé de toute sa hauteur sur ses quatre membres, il tremblait de rage, de honte et de douleur. Il souffla bruyamment, mugit, secoua la tête, faisant voler le sang autour de lui, le sang de ses pauvres oreilles tailladées. Furieux, il s'apprêtait à foncer sur ceux qui l'entouraient et qui l'avaient fait souffrir. Il voulut bondir, mais s'arrêta net au milieu de son élan, car il se rappelait l'homme seul qu'il avait terrassé. À quoi bon ? Il regarda derrière lui. Les gardiens s'éloignaient maintenant au pas vers le troupeau. Au bout de la plaine, parmi les tamaris, les anganes et les saladelles, la manade roulait lentement comme un morceau de mer sombre sur des rochers à fleur d'eau. Des mugissements venaient jusqu'à lui. Il regarda encore une fois ce peuple qui le considérait sans maudire et sans crainte. Le gros homme qui l'avait tombé au sol s'avança d'un pas vers lui. Alors faisant volte-face, Sangar, l'anouble, s'éloigna, trottinant et meuglant, pour aller cacher au milieu des siens ses oreilles entaillées, le blason imprimé au fer rouge qui lui brûlait la cuisse et sa honte farouche et immense qu'il ne devait jamais oublier. Fin de la ferrade de Sangar Thô.